Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement. On va parler avec notre chum Frédéric Daigle de la presse canadienne. Toute une nouvelle hier. Ça ressemble à une fuite, en tout cas. Tracy Rigglesby de Baseball America qui a lancé sur le site de Baseball America un projet du baseball majeur de réaligner les divisions. Moi, j'ai des bémols parce que selon ce qu'on lance, il y aurait l'abolition de la Ligue nationale et de la Ligue américaine. Puis les gens du baseball majeur sont très, très conservateurs. Quoi qu'il en soit, on en parle avec notre chum qui est très branché au dossier du baseball majeur. C'est Frédéric Deck. Salut, Fred. Oui, bonjour, Danny. Fred, t'es-tu d'accord avec moi? Oui, je crois. C'est pas que je crois pas à ça, là. Mais dans ce qui ressemble à une fuite qui était faite à TBC Rigglesby, l'abolition de la Ligue américaine puis de la Ligue nationale, là, il y aurait plus ça, là. Puis moi, ça me rentre pas dans la tête que les gens du baseball majeur, c'est des gens très conservateurs. T'as l'abolition du frappeur désigné, t'as toutes sortes d'affaires, là. Ça se peut-tu qu'à quelque part, ça se peut, mais il y a des choses qui manquent. Ouais, ben, dans un premier temps, je pense que oui, là. De toute évidence, là, Tracy Rigglesby, c'est quelqu'un d'excessivement bien branché. Ça fait plusieurs... dizaines d'années, tout près de 50 ans, je pense, si je me trompe pas, qui couvre le baseball majeur. Il a été, avant d'être un chroniqueur national, il a été affecté à la couverture de 5 équipes différentes. Ouais. La plus récente, les Rockies du Colorado. C'est un gars qui, à ce qu'on m'a dit, qui était très proche de Bud Selig également, quand Bud Selig était commissaire. OK. Alors, ce que je déduis de tout ça, c'est que c'est probablement quelqu'un au courant des plans futurs du baseball majeur qui a laissé couler de l'information à M. Rigglesby comme ça. Ceci dit, est-ce que c'est un projet définitif? Je ne sais pas. C'est un scénario évoqué. Est-ce qu'on va abolir la Ligue américaine, la Ligue nationale? Ça reste à voir. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que pas abolir les lanceurs, mais les lanceurs viendront plus frapper. Puis c'est simple, là. Si t'as 16 équipes si t'as 32 équipes là, puis t'en as déjà 15 avec un frappeur désigné présentement là, ça fait 17 jobs de plus pour l'association des joueurs aussi. C'est intéressant pour eux autres. Peut-être que ce réalignement là va entraîner aussi, parce que le but de ça aussi c'est de réduire le calendrier, le transport aussi, de congés supplémentaires par semaine. Peut-être qu'on va faire passer les formations de 25 à 26 ou 27 joueurs aussi avec cette nouvelle une nouvelle formule, une nouvelle façon de présenter. Ouais. En tout cas, il reste que c'est très intéressant. L'autre l'aspect à ne pas oublier aussi, c'est que là on a évoqué le scénario avec Montréal et Portland. Si le baseball majeur y va avec une expansion, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas 4 villes, dont Montréal et Portland, qui ne présenteront pas des candidatures intéressantes et que là, va devoir choisir. Évidemment, nous autres, ici au Québec, on espère que Montréal soit retenu, mais... aussi, les Rays, c'est pas mort. Avec le travail qui a été fait ici, que Montréal soit pas retenu, mais d'un coup qu'il y a 3-4 villes intéressées et qu'il y a des candidatures intéressantes, tu sais, ça reste un scénario très plausible, mais ça reste à voir. Le dossier des Rays, encore une fois, Fred, écoute, ça fait 10 ans que ce dossier-là achoppe, qu'il avance pas, puis de toute évidence, ça avance pas encore. Fait que, c'est ce dossier-là qui retarde tous les autres dossiers dans le baseball majeur. Alors, la question, là, la vraie question, c'est de savoir pendant combien de temps encore le commissaire Robert Manfred va avoir de la patience à l'égard des Rays de Tampa Bay. C'est la clé de toutes les énigmes du baseball majeur, parce que tant que la situation des Rays et des Aces, dans une moindre mesure, parce que ça semble réglé de ce côté-là, tant que ça, c'est pas réglé, le baseball peut pas passer à une autre étape. Comment tu veux présenter une expansion quand t'as deux canards boiteux dans tes rangs, tu n'es pas capable de t'occuper de tes 30 équipes qui sont là, qui jouent dans des marchés, dans des stades des majeurs et dans des marchés intéressants? Il faut que le baseball majeur règle Oakland et Tampa Bay avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Moi, je pense que d'ici un an, on va être branché sur Tampa, d'un bord ou de l'autre, parce que là, ça ne marchera plus. T'sais, quand Manfred est allé à Tampa il y a quelques semaines, il y avait 8000 spectateurs. Je pense que c'est une des plus faibles assistances de la saison. Oui, c'était pas loin. Puis je pense que c'était la plus faible en 3 ou 4 ans. Ouais, donc, c'est pas un bon signe. T'as le commissaire arrive, puis t'as l'assistance la plus faible. Puis ça ressemble beaucoup aux expos dans le temps. Là. Regarde, je ne raconte pas d'histoire. Absolument. C'est Steinberg, c'est pas un gars de Tampa en passant Steinberg, donc c'est un gars de New York. Donc lui, le sentiment d'appartenance, il l'a pas avec Tampa. Il va se fâcher. Absolument pas. Il va se tanner aussi. Mais là, il y a une élection qui s'en vient. Valérie Plante. Valérie Plante qui a fait une proposition qui est très très bien vue par des gens, parce que ça c'est winner, ça, auprès du au niveau du populaire là. Mais est-ce que Valérie Plante, mettons que Valérie Plante gagnerait, il arrive quoi? Ça c'est une bonne question. Moi j'ose imaginer que les gens derrière le projet du retour du baseball à Montréal, les Bronfman, les Garber, les Rossi, etc., sont tellement avancés qu'un changement à la mairie ne changerait rien au projet. Okay. Maintenant, pour l'instant, j'ai pas la réponse à cette question. Okay. Elle veut pas signer de chèque en blanc. Ben, parfait. Pas question de signer de chèque en blanc. Il y a plusieurs façons d'avoir une participation publique à un projet comme celui-là. Écoutez, ces investisseurs-là, même s'ils avaient l'argent pour bâtir un stade, sont pas idiots. 28 des 30 stades actuels dans le baseball majeur ont été construits avec un partenariat du public à hauteur de 50 à 70 % dans certains cas, des fois plus. Et les deux seuls stades, c'est-à-dire Saint-Louis et San Francisco, ces municipalités-là puis ces États-là n'ont pas mis d'argent dans la bâtisse comme telle, mais le terrain a été donné, il y a des allègements fiscaux. Ben oui. Alors, les participations publiques, d'une certaine façon, ils n'ont pas payé pour une brique puis une vis, mais il y a quelque chose de public qui aide à ces édifices-là. Quand même, Fred, retenir l'impôt des joueurs, comme Claude Brochu. Je suis pas un fan de Claude Brochu. Moi, je dis que c'est le grand responsable du départ des expos avant le Royal. Si Brochu fait la job, on connaît pas le Royal. Puis quand Claude Brochu est allé voir Lucien Bouchard puis pour retenir l'impôt des joueurs, Lucien Bouchard a dit non. Fallait-tu pas avoir de vision un peu? Parce que quelque part, écoute, là, si tu as une masse salariale de 150 millions, comme le baseball majeur va avoir, on dit que c'est 30% qui revient au fisc québécois. C'est bon an, mal an. Si tu retiens l'impôt des... Ouais. Tu me suis venir, là? Tu me vois venir? Ben oui, absolument. Puis, gars, on s'entend, les expos n'auraient pas une masse salariale de 150 millions, mais ils pourraient en avoir une de 95-100, par exemple. Ouais, effectivement. Ben, 30% de 100 millions, c'est 30 millions par année. Fois 10, c'est 300 millions. Ouais, exactement. Ouais. Fait que le stade serait déjà payé, parce qu'on parlait d'un stade d'à peu près 275 millions dans ce temps-là. Ouais. Fait qu'on serait rendu à payer là les grands démagogues là, qu'on va entendre dans les prochains mois, prochaines années, quand ça va venir sur le sujet, là. Ben, des salaires d'infirmières, puis de professeurs d'école, puis des lits d'hôpitaux, là, à 30 millions par année, vous me direz combien ça en fait. Effectivement, Fred. Là, on va faire le même calcul avec les Nordiques qui sont partis eux autres 10 ans plus tôt. Non, mais ça, ils disent pas, par exemple. Ça, ces gens-là disent pas ça, par contre. Là. Ils parlent pas de l'impôt des joueurs. On peut pas en parler de ça. OK. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines. Les Twins du Minnesota, ça n'a pas rapport. Dans le projet du baseball, là, tu sais, on voit les limites. On l'a vu dans le baseball américain, ouais. Je veux dire, ben écoute, c'est un peu l'espèce de... c'est comme l'équipe éloignée qui fit pas nulle part, si tu me passes l'expression. Mais il aurait pu être dans la division des Cubs, des White Sox, tu sais, Minnesota, Chicago, ouais. C'est pas tellement loin, ouais, Saint-Louis. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Saint-Louis. Ça aurait eu plus d'allure de ce côté-là, puis qu'on amène une équipe du Midwest dans la section Est, là, il y a sûrement, mais ça, tu sais, comme je te dis, moi, je pense que ce scénario-là, c'est peut-être une première ébauche de scénario. Ouais. Et puis, on va voir ce que ça donnera au final, mais c'est évident, là, que puis 32 équipes, là, ça a toujours été le chiffre magique à atteindre quand t'as une ligue de sport professionnel. Regarde, la MLS veut s'en aller là, la NFL est là, la Ligue nationale de hockey veut s'en aller là. C'est évident qu'à 32, là, tout se divise bien mieux. OK. Hey, Fred, je veux te laisser avec Punching Race. Moi, j'ai écouté la première émission, j'arrive pour écouter la deuxième, mais Ça n'a pas fonctionné. C'est parce que je ne me suis pas donné pour aller la rechercher. Parle-moi de Parching Grace, qui est un... Moi, j'ai bien aimé la première. C'est un genre de 110%. Si vous avez aimé 110%, vous allez aimer Parching Grace. C'est avec... moi, c'est des gens que j'aime. Jérémy Filosa, c'est un gars que j'aime écouter, entendre. C'est pas un gars qui fait la ligne de hockey. T'as toi. T'as également Jonathan... Tony Marinaro. Ouais, Jonathan Maragué. Puis Tony Marinaro. Donc, parle-moi de ça. C'est le lundi. C'est enregistré. C'est disponible sur le site Parching Grace. Oui, l'émission s'appelle Les Columnistes et comme tu le disais, on est quatre à débattre de l'actualité de la dernière semaine dans le sport professionnel, particulièrement avec un accent montréalais-québécois. Là. Ouais. Mais on couvre tous les sports, on couvre hockey, football, la boxe, l'impact, le baseball majeur. Vraiment, on discute de tout et c'est ça, c'est un débat. On est quatre à émettre nos opinions, à défendre nos points. Et c'est enregistré au restaurant Le Loïc dans Griffintown à Montréal, qui nous accueille à chaque lundi pour enregistrer ça. On a beaucoup de plaisir. Ça dure, évidemment, on est une diffusion sur le web, punchinggrace.com. Ça dure entre 30 et 40 minutes, dépendamment de nos envolées verbales. C'est plus long que moins long. C'est fun parce que quand c'est à la TV, t'es toujours limité par le temps. Tandis que là, sur le web, si ça dure une heure, ça durera une heure, puis c'est tout. Là, vous avez, on essaie de se limiter à 40-45 minutes. Ouais, c'est sûr que c'est bon. Ouais. On a été capable de le faire. On a trois émissions en ligne jusqu'à présent. Okay. Et puis, la quatrième sera enregistrée lundi prochain. Puis c'est ça. C'est disponible à compter de 21h30 les lundis sur punchinggrace.com. C'est gratuit. Il y a pas de, ça coûte rien. Il faut seulement s'inscrire. Et puis, on peut télécharger l'émission ensuite. Pour la visionner. Hey, frère, en terminant, je veux te parler des Alouettes. Je sais que c'était pas mon collaborateur des Alouettes. Toi, je t'appelle pour n'importe quoi, là, mais tu couvres les Alouettes pour la presse canadienne. Je vais en parler à Pascal Masson, qui est un ancien joueur des Alouettes vendredi. Qu'on ramène Kavis Reid, c'est une chose, mais qu'on confirme aussi vite, c'est une autre chose. Ça, moi, je trouve que c'est très rapide pour faire un retour en poste d'une personne qui n'a pas livré la marchandise. Non, c'est fou raide, là. C'est ce que je vais en parler. On va en parler avec Pascal Lasson. Fred, on s'en reparle prochainement. Absolument. Collaborateur Frédéric Degg de la presse canadienne.